Votre vie est terne et répétitive? Émerveillez-vous à tout instant en écoutant le nouveau disque des discours d'Emmanuel Macron, illustré par les plus grandes musiques de films. Alors c'était un rêve fou il y a 6 mois. Mais ce rêve fou, vous êtes en train de le réaliser. Vous en êtes la preuve. L'arnaque, le professionnel, Danse avec les loups, le parrain, itinéraire d'un enfant gâté. Les plus belles musiques de films accompagnent les discours d'Emmanuel Macron pour un grand moment d'émerveillement. Nous avons déjà pris les risques, le risque de faire, le risque de tenter ce que tout le monde nous disait comme impossible. Appuyez sur la touche En Marche de votre lecteur de CD et entrez dans un océan de béatitude. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Les discours d'Emmanuel Macron illustrés par les plus belles musiques de films, une collection aïe aïe aïe.